J'étais en train de m'endormir. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Bonne année à tous. Alors, qu'est-ce que je voulais commencer donc par des petites choses un petit peu sympas. Monaco Laval. Alors tout à l'heure, Nico, tu nous as dit que c'était très sympa. Tu nous as dit, c'est pas toi qui nous en a parlé. Non, tu parlais de Porto Benfica. Tu nous disais que c'était le mariage Portos. Ouais. Et c'est mieux que ça, puisque c'est le mariage pour tout gay. Et le mariage pour tout gay, c'est vraiment le vrai combat du moment. C'est pour ça que je propose le mariage pour tout gay, qui était donc une idée de Nico et que je suivrai malgré Frigide Barjot. D'ailleurs, Gilbert, j'étais très, une grande amie. Son mec aussi qui a beaucoup de potes. Moi, je comprends qu'elle soit contre les homos, hein, quand on connaît sa famille. Bref, c'est un autre débat. Frigide, si tu nous écoutes, fais gaffe à ton mec. Il y a des jeunes qui traînent. Monaco. D'ailleurs, c'est marrant. Pourquoi j'étais surpris de te voir cette manif anti-mariage pour tous, Gilbert. Ah bon ? Ça m'a un petit peu ça déçu. Va pas, non. Je peux balancer une rumeur. Non, merde, c'est le mercato d'hiver. Alors, je préviens que le mercato d'hiver est une espèce de zone franche de l'info. On peut dire toutes les conneries qu'on veut, toutes les rumeurs les plus pourries. Donc, moi, je balance que Gilbert Bribois était au mariage anti-homo. Voilà, c'est ma rumeur. C'est pas pire que Ronaldo au PSG ou alors Ricardo Carvalho à Evian-Ton en Gaillard. J'ai entendu ça récemment. On n'est plus à une connerie près. Monaco, là-bas. Qu'on appelle un peu le Tai Taiwo. Hein, c'est un nom parce qu'en fait comme c'est Monaco est une équipe qui vise la tête comme Taiwo en général quand il tirait un coup franc. Donc à chaque fois qu'il y a un match avec une équipe qui vise la tête, on dit le Tai Taiwo. Eric, comment tu vas? Ça va. Eric, tu nous parlais des joueurs mi-viande, mi-poisson. Ça va beaucoup plus, sachant que toi, dans ton équipe, tu as un joueur mi-poisson, mi-poisson. Barton qui est moitié bar, moitié ton. C'est quand même pas mal. Et c'est presque aussi fort que le mec qui est mi-poussin, mi-dauphin. Umtiti. Oh putain. C'est bon ça. Voilà. Et Daniel qui t'a donné une petite leçon de vie, puisqu'il t'a bien précisé qu'il n'y a pas besoin d'être cheval pour être jockey. D'avoir été cheval, ça sent le vécu. C'est vrai que toi, Eric, quand on te connaît, t'as plus été cheval dû à ta, t'en avais la queue en tout cas à l'époque. Je parle de la coiffure évidemment, hein, puisque même si tu as côtoyé certains joueurs comme Claude Makélélé, tu n'avais pas les mêmes attributs, alors que Daniel a plus la taille pour être jockey. Donc si tu veux, quelque part on s'y retrouve si on doit choisir l'un ou l'autre. C'est ça. Donc quelque part Daniel c'est pas qu'il avait le choix, si tu veux. Voilà, donc il a fait ce qu'il a pu. Ah ben c'est incroyable, c'est impressionnant. Mais tu sais, il faut qu'on te fasse un petit jingle. Oui, le temps part comme une balle. Tiens, on a un proposé. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent drôle de. Alors oui, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est Jérôme. Ah, c'est Jérôme. Enfin, c'était Jérôme. Pourquoi il est mort? Ah bah écoute, si t'es pas au courant, va falloir retourner au nightclub. Je te promets, j'étais pas au courant. Bah, je pensais que tous les mecs d'1m70 savaient qui était mort et était vivant entre eux. Mais je sais, il n'y a plus aucune confrérie. Il était bien plus petit parce qu'il avait des énormes talonnettes. Parce que t'en as pas, toi? Non, moi pas. Mais lui, ouais. Autant pour moi. Non, je te signale que je pensais vraiment qu'il y avait une vraie fratrie, moi. Je te signale que c'est en dessous d'un 65 que la talonnette devient nécessaire. D'accord. Je n'y suis pas. D'accord. Fort heureusement. Tu n'en es pas. Tu n'es pas du complot. Eh bien, écoute, je l'ai tué, oui, Carole. Alors, écoute, je suis une avrée en même temps. Je suis très flatté par ce moment de bonheur auditif. Alors, c'est de l'année, parlons football, hein, comme on dit, revenons à nos moutons, à nos joueurs de Ligue 1. C'est l'année, dans les buteurs, c'est un peu l'année des Yugos. Vous avez remarqué, ce qui est après, il y a Ibrahimovic, il y a Zvitanic, il y a Bafegomic et il y a Esiric, mais il a pas marqué cette semaine. C'était juste pour dire, voilà, j'aime bien les Yougoslaves. Il a marqué Esiric. Ah ben voilà, donc c'est vraiment l'année des Yougoslaves. C'était juste pour faire une petite parenthèse, pour montrer que je savais lire. Avec Antonetti, Daniel, Gilbert, tu nous as mis un petit condensé de ces. Oui, t'as aimé? J'aime bien un petit condensé. J'ai jamais vu un petit condensé à part avec Daniel en boîte de nuit. J'ai jamais vu un petit condensé. Oh non, c'est méchant. Ça, c'est bon, c'est méchant. Daniel, d'ailleurs, excuse-moi, je m'acharne un peu sur toi. Ça fait 16-17 ans que j'ai pas dansé. Écoute, ça se ressent. Mm. Ça se ressent. Et ça te ferait du bien. Ça te relâcherait un petit peu au niveau du. Hein, ça te détendrait. Bref. Daniel, il y a des traditions dans le foot. Tu sais, tu as beaucoup critiqué. Ça m'étonne de toi parce qu'en général, général, toi, t'es quelqu'un qui est un défenseur des traditions dans le foot. Et tu sais, il y a You Never Walk Alone à Liverpool. Il y a les petits mouchoirs blancs, pas chez Guillaume Canet, mais au Real Madrid. Et il y a le On se fait chier au Stade Rennais. Et ça, visiblement, ça te dérange. Alors écoute, mon vieux, ça fait 50 ans qu'on se fait chier au Stade Rennais. Et toi, t'es qui? T'es qui pour empêcher ça, pour vouloir qu'on s'amuse? Mais tu délires, mon pauvre ami. Alors si à un moment donné, t'as envie de t'amuser, mais barre-toi ailleurs! Va chez les gens qui s'amusent! Mais laisse les Rennais tranquilles! Ils adorent se faire chier! Mais moi, voilà. j'aime mais je le sais. Droit au bonheur pour tout mais le monde. Mais tu es le chantre de la joie! Exactement, tout le, monde le droit au bonheur. Comme dirait Pierre. Mais moi, je me lève tous les matins avec l'hymne à la joie, cher ami. Pierre le chantre. De la joie. Alors attends, Nancy. Nancy, alors je voudrais parler de Nancy. Mm-hmm. Parce que, non, on a le temps de parler de Nancy oui, ou pas? Oui, t'as le temps là, 30 Nancy, secondes. Ils ont arraché le nul, et ça, ça me fait plaisir. En même temps, à Nancy, ils arrachent tout ce qu'ils peuvent, en général. Nancy, ils arrachent la pelouse, ils arrachent le maillot, ils arrachent les chemises, ils arrachent. Voilà, ben là, là, c'est pour ça qu'on se demandait pourquoi ils ont pris un synthétique alors qu'ils savent pas jouer au foot. Ben, c'est normal, les mecs. Le mec, le jardinier, il avait plein de cul, c'était les tranchées, c'était Verdun, au bout d'un moment. Bon, c'était pratique parce qu'ils se mettaient dans les tranchées, les défenseurs, puis ils attrapaient les chevilles des mecs quand ils passaient. Mais au bout d'un moment, quand tu les vois jouer Nancy, tu te demandes ce qu'ils ont au pied. C'est vrai? En passant par la Lorraine, moi avec mes sabots. Il y a une partie de la réponse, merci à tout à l'heure. Je nomme, tu parles comme un homme. Mais bien sûr! De plus en plus improbable les chansons, mais bon. Surtout c'est long à venir, ça qui est bien. Comme ça, plus c'est long, plus c'est bon. Fifi, tu nous as parlé tout à l'heure. Il y a un truc qui est tombé comme une évidence pour moi. C'est quand tu as parlé de la cité de Manchester et de l'Union de Manchester. Et j'ai dit quand tu m'as parlé de la cité de Manchester, je me suis dit tout d'un coup, mais bien sûr, j'ai compris pourquoi Nasri avait signé, parce que s'il y a bien un mec de cité, c'est lui. Donc voilà. Donc ça y est, on a compris enfin. Pourquoi Nasri? Il est dans la Tessie et il est chez lui. L'arbitre de PSG Monaco, je pensais, non pas PSG Monaco, mais PSG Ajaccio, je disais, et il paraît qu'il aurait dit à Zlatan que lui aussi pourrait aller dire bonjour à Nasser en tribune parce que vu ce qu'il lui avait, il lui payait régulièrement, ce serait quand même la moindre des choses. Hein, pour faire 0-0, quand même, je pense qu'il pouvait aller lui faire la bise. Je voudrais revenir sur un joueur qui a vécu un moment d'intense émotion, vous, dans vos championnats respectifs, dans les autres pays, vous ne l'avez peut-être pas vu. Un homme qui s'appelle André Louis de Nancy. Ah, son dernier match. Ouais, qui était hyper triste et on l'a vu pleurer. Et pourquoi il pleure, le mec? Eh ben, je vais vous le dire. Parce qu'il va quitter Nancy pour aller au Brésil. Eh ben, c'est vrai, moi je le comprends. Franchement, le mec, le pauvre. Mais c'est horrible, le mec il va quitter Nancy. Nancy. Le monde est gris, le monde est bleu. Ah, Nancy qui a tout pour faire rêver un jeune de 28 ans, Nancy, le soleil gris perle qui pointe derrière les nuages anthracites. Les maisons gris souris avec des toits noirs. Noir clair, mais noir quand même. Les entrepôts qui habillent de la rue d'Épinal, la ZAC de la rue Robert-Val, la clinique Saint-André, le jardin botanique du Montet, la casse de la rue Maurice-Carrez, la plus grande de la région. Et tout ça pourquoi? Pour aller se faire chier au Brésil! Oh, quelle horreur! Le Brésil! Le soleil, les gonzesses, le football samba, le sable, les putes à 10 euros, Copacabana! Kekai Pirinel et soirée cachasse, la Coupe du Monde dans un an et demi. Non, vraiment, on ne comprend pas pourquoi il s'en va. C'est vraiment terrible d'imposer ça à un homme. Il était temps qu'il se barre, il avait plus du tout le sens des réalités, le mec. Hein. C'était le syndrome de Stockholm, il était tombé amoureux de son ravisseur. C'est 8 ans qu'il était enfermé. Mais quand il va retrouver sa famille, ils vont lui dire, ça y est, tu te rends compte quand même que c'était du délire, ton truc. Donc, Nancy. Alors, j'ai vu que Nancy, pour le mercato, veut vendre des joueurs de foot. Petit problème, il y en a pas. Donc, voilà. Ça, c'est le petit détail, hein. Pour vendre des joueurs de foot, faut en avoir. Hein. Donc, ça, il y en a pas. En revanche, s'ils les mettent au pôle emploi, c'est jouable. Donc, si vous êtes entrepreneur dans la région de Nancy, que vous cherchez un équarisseur, un peintre, un boucher, un bétonneur, adressez-vous à monsieur Rousselot. Hein, il vous donnera les coordonnées des intéressés. Évidemment, il prend une petite com de 200 euros sur les transacs. Hein, il a une petite boutique à faire tourner quand même, Jean-Claude. Donc voilà. Donc je vous demanderai de vous adresser directement à cet homme. André dans la série des mecs qui respectent leur pays et qui aiment vraiment leur pays, pareil, André Ayou. André Ayou qui aime son pays puisqu'il a préféré jouer à moins 5 degrés à Sochaux avec l'OM plutôt que d'aller à la CAN en Afrique du Sud où il fait 25 degrés, où il fait soleil. Vraiment, comme bras d'honneur, à part Depardieu, on n'a pas fait mieux. Franchement, le mec, il en a vraiment rien à foutre. Et ça, moi, j'aime bien l'OM. On va finir sur la défaite de l'OM. L'OM, essentiellement dû, d'après Elibo, la défaite est due aux poteaux. Hein, il a dit c'est la faute des poteaux. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être en parler de cette histoire. Non, mais franchement, je sais pas. Non, mais les poteaux, à un moment donné, il va falloir mettre la commission de visionnage et puis qui suspendent les poteaux, qu'on fasse quelque chose contre ce truc. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui veulent jouer au foot peinard. Et t'as un connard qui va planter des poteaux, là, comme ça, en plein milieu d'un terrain. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, moi, quand je vais au square, à Gilbert, quand on va jouer avec nos potes, on met un t-shirt, un sac, un casque de scooter. Comme ça, au moins, si ça passe de on dit bah y a but, allez ça compte et puis basta, mais tu mets pas les poteaux, alors on nous emmerde avec la vidéo mais qu'on parle des poteaux, voilà. Mais je sais pas, lui qui remplace ça par du fil dentaire, là il y aurait des buts, hein. Donc voilà, c'est une tradition française de se plaindre des poteaux. Oui, ça, mais bon, en 76. Ouais, mais bon, moi je me plains pas des poteaux, je respecte trop mes poteaux. Et je voudrais finir aussi par le Sporting Club de Bastia. Alors, le Sporting Club de Bastia qui s'est encore retrouvé devant la commission de discipline, un peu comme d'habitude, hein, siège de la commission de discipline, qui est dans le 16e arrondissement de Paris, dans une petite rue près de la rue Lauriston, qui était le siège de la Gestapo. Ça n'a aucun lien, hein, évidemment. Mais je tiens quand même à le rappeler. Oui, historique intéressant. Voilà, c'est un choix qui est peut-être du hasard ou pas, on verra bien. En tout cas, c'est dommage, parce que eux, ce qui est con, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient être très souvent à la commission de discipline, du coup, ils étaient allés à la LFP, puis ils avaient construit un resto en face. Ça s'appelle la Villa Corse, pour pouvoir bouffer peinard pendant qu'on prend les décisions. Pas de bol, c'est pas au même endroit. Donc ils vont être obligés de changer, de faire un resto ailleurs. Moi, je serais eux, je prendrais carrément un hôtel, parce qu'ils vont y rester quelques temps. Voilà, je vous embrasse sur la bouche, puisque c'est la mode. Tiens, Luis Fernandez voulait te faire un petit hommage. But de Rennes, quand il fait poteau, poteau, l'année dernière il aurait fait poteau, poteau, il serait sorti, cette fois-ci il fait poteau, poteau et ça rentre. Voilà. Ça c'est 30 ans d'expérience pour faire ça. Hein. C'est le Nutella du foot. Ça fera toujours la différence.